Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Simon Fitzbé. Bonjour Mathieu Plante, bonjour François-Olivier Marchand. Bonjour Simon Fitzbé, tabarouette. Barbe. Oui. Donc, Simon Fitzbé qui est avec nous chaque semaine pour sa chronique Phénomène. Et là, depuis le début du mois de février, on peut compter ça en termes de plusieurs jours. Oui, quand même. C'est la quatrième partie, c'est le dernier jeudi du mois. Du mois de February Rolling Stone Airy. Oui, à peu près, oui. Comme ça, ça met du sens. Alors, on était rendu donc pas mal loin dans l'histoire. Effectivement, on était rendu à la quatrième partie, la fin. On s'est quitté dans le milieu des années 90. Et les Rolling Stones, ils ont connu une carrière des plus remarquables. Et sauf preuve du contraire, il est le groupe qui, fêtant son 50e anniversaire cette année, détient le record de longévité du rock. Malgré la mort, les disputes, les problèmes de drogue ainsi que le vieillissement, le groupe a constamment su se renouveler et garder sa popularité pendant 5 décennies. Cette semaine sonne la fin du Feb Rolling Stone Airy et nous verrons donc où en est rendue cette histoire rocambolesque et celle des Stones, puisqu'elle n'est pas terminée. Je peux pas dire que c'est la fin de l'histoire des Stones. Cette semaine, la semaine dernière plutôt, on s'était laissé pendant le milieu des années 90, alors que le groupe est de retour plutôt au sommet de sa popularité grâce aux méga tournées ainsi qu'au statut de pionnier avec des nouvelles technologies. On l'a vu, ils ont fait du streaming sur Internet, ils ont utilisé certaines chansons des Stones pour des lancements de produits tels que Microsoft Windows 95. Et le groupe décide de terminer la décennie 90 avec l'album Bridge to Babylon, lancé en 1997. Il s'agit d'un album qui a connu des chiffres de vente semblables à celui des derniers albums du groupe, mais qui n'a pas reçu autant d'éloges que ceux-ci. Le vidéoclip de Anybody Seen My Baby, qui met en scène une jeune et sexy Angelina Jolie, a probablement aidé par contre aux ventes de l'album. Par contre, la méga tournée qui accompagne cet album-là est un énorme succès, comme à l'habitude. Le groupe continue à encaisser sur la nostalgie du passé et sur l'énergie encore incroyable des membres du groupe malgré leur âge. Dans un même ordre d'idées, le groupe lance No Security, un 6e album en concert qui relate cette tournée. En 2001, cette fois-ci, après quelques temps d'absence, suite aux événements du 11 septembre, Mick et Keith font partie de la distribution du Concert for New York pour la première fois. Ils ne sont pas accompagnés par Ronnie Wood et Charlie Watts, donc autres membres des Rolling Stones. Et ils ont été laissés de côté puisque c'était un événement spécial. C'était pour souligner les événements du 11 septembre 2001. En 2002... Pour célébrer ses 40 ans, le groupe lance 40 Licks, un album double regroupant les meilleurs succès du groupe pendant ses 4 dernières décennies, ainsi que 4 nouvelles compositions qui ont été ajoutées sur l'album. Encore une fois, le groupe confirme son intarissable popularité avec 7 millions d'albums vendus. La tournée qui s'ensuit est extrêmement fructueuse et atteint son point culminant à Toronto en 2003, où le groupe tient la tête d'affiche du Molson Canadian Rock for Toronto. Désolé pour le placement de produit, mais ça faisait partie du nom. Un concert pour aider le moral de la ville de Toronto, récemment touchée par une épidémie de SRAS. Près de 500 000 personnes ont assisté à ce concert historique. Et les Stones vont également donner un concert semblable à Hong Kong pour les mêmes circonstances. Donc, Hong Kong et Toronto avaient été les deux endroits qui avaient été le plus touchés par le SRAS pendant cette crise-là. La tournée 40 Licks a été la plus lucrative dans l'histoire du groupe. En plus des millions encaissés par les concerts, le groupe a lancé également un coffret DVD ainsi qu'un album double enregistré en concert. I see your red Les Rolling Stones avec la pièce Pain in Black tirée bien sûr de cet album qu'on a appelé Live Licks, qui était tiré donc de la tournée 40 Licks entre 2002 et 2003. Et après un an d'absence sur la scène publique et 8 ans sans album original, le groupe lance Bigger Bang en 2005, un album typique des Stones qui symbolise le retour aux sources du groupe et qui se hisse facilement au top des palmarès avec le hit Street of Love. Par contre, l'album comporte également la pièce Sweet Neo Con, une critique sévère de George W. Bush et du néoconservatisme typique des États-Unis qui a joué sur un plan mineur dans la popularité de cet album-là, mais qui a également mis celui-ci en péril lors de sa conception, puisque Keith Richards était froid à l'idée d'inclure une pièce à saveur politique dans un album qui était dans un but avoué lancé pour promouvoir la prochaine tournée du groupe. Il faut dire aussi qu'il y avait eu les problèmes avec les Dixie Chicks qui avaient donc critiqué George Bush et qui s'étaient fait ostraciser, et Keith Richards avait peur que la popularité des Stones plonge à cause de ça. Et la tournée à Bigger Bang Tour, qui a de la suite dans les idées, bien sûr, on cherche plus vraiment à sortir du cadre, débute au milieu de 2005. Le groupe remplit encore les arénas, ainsi que, le groupe plutôt éclipse les records de tournées précédemment établis par eux-mêmes en 1994. Le groupe avait déjà amassé 162 millions de dollars à la fin de l'année 2005. C'est quand même combien? 162 millions. Et si ça te surprend, attends tantôt. C'est déjà impressionnant. C'est un beau chèque de paie quand même pour une couple de mois de travail. Wow! Malheureusement, la tournée doit prendre une pause pendant l'année 2006 alors que le groupe fait face à plusieurs problèmes. D'abord, Keith Richards entre à l'urgence dans un hôpital des Fidji après être tombé du haut d'un palmier alors que le groupe est en vacances. Il est monté sur un palmier. Ouais, il est monté sur un arbre et je sais pas. Sous l'effet d'alcool, peut-être. Ah, ouais, probablement. Et il est tombé sur la tête et on a eu peur quand même pour sa vie puisque son cerveau a été touché. Et ça a retardé de 6 mois la tournée européenne. Donc, et en juin de cette même année, Ronnie Wood, lui, entre en cure de réhabilitation pour ses problèmes d'alcool. Ça aide pas plus. Mais ça retarde pas plus la tournée, par contre. Et finalement, le groupe doit reporter 2 des 21 concerts de la tournée européenne dû à des problèmes de gorge de Mick Jagger. C'est-à-dire qu'il est plus dans sa prime jeunesse et ça devient un peu plus difficile d'être présent sur scène à tous les soirs. A Bigger Bang se termine donc en 2007, établit le record de tournée la plus fructueuse pour un groupe rock avec près de 550 millions de dollars en revenus pour les Stones. C'est incroyable. Ouais, tu prends 50 millions, mettons, pour payer tout le monde qui a travaillé, payer le transport et tout, ça reste quand même à peu près 500 millions pour 4 personnes. C'est quand même assez intéressant. Et donc, bien entendu, le groupe empoche encore plus de produits sur les produits dérivés, dont le disque quadruple CD-DVD Biggest Bang, un album relatant la tournée. Oui, Neocon. C'était la pièce Sweet Neocon. Belle traduction, donc, ça, Simon. Oui. Tirée de l'album A Bigger Bang des Rolling Stones qui est paru en 2005. C'est quand même un bon album. Si vous ne l'avez pas entendu, ça vaut peut-être la peine là, de vous procurer. Il doit être rendu pas très cher en plus. En 2008, cette fois-ci, Martin Scorsese présente Shine a Light, film tourné pendant un concert spécial des Stones pour la tournée A Bigger Bang, qui fait office de documentaire également sur le groupe. Le lancement du film rapporte des rumeurs d'un nouvel album pour le groupe qui sont déroutés par Keith Richards quelques temps plus tard. Donc, on n'avait pas l'intention de lancer un nouvel album. Encore en 2008, le groupe annonce qu'il quitte la EMI, maison de disques depuis plusieurs années, pour avec une partie de leur catalogue, celle qui n'appartient pas à Alan Klein et APCO, c'est-à-dire à partir de Sticky Fingers, et il signe avec Universal, qui sera maintenant sa maison de disques, ainsi que son distributeur. En 2009, on entend des rumeurs encore comme quoi le groupe retournerait en tournée pour 2010. Par contre, le groupe dément encore ces rumeurs. On attend toujours le retour des Rolling Stones sur disque ainsi qu'en tournée encore en 2011. Par contre, certains propos tenus à propos de la grosseur du pénis de Mick Jagger tenus par Keith Richards. Oui, Keith Richards, dans son autobiographie, se peint un peu la tête de tout le monde et parle donc de l'engin de Mick. Et ça vient peut-être... ça pourrait nuire aux possibilités de réunion du groupe pour célébrer son 50e anniversaire. De plus, l'apparition de Mick Jagger en solo pour honorer la mémoire de Solomon Burke au Grammy il y a quelques semaines est également un signe de discorde au sein du groupe. Et il faut également dire que leur directeur de tournée et eux sont comme en mauvais terme. Il y a eu des contrats signés pour une tournée. Là, on ne sait pas si ça va être honoré. En tout cas, c'est une histoire à suivre. Et en plus, par contre, on peut se réjouir puisque le groupe s'est réuni au mois de janvier avec, entre autres, Bill Wyman, qui était ancien bassiste de la formation, qui a quitté le groupe en 1992. Ils se sont réunis pour honorer la mémoire d'Ian Stewart, pianiste de la première heure du groupe. Ils ont enregistré Watching the River Flow, une reprise de Bob Dylan, sur l'album de Ben Waters, un pianiste qui lance son album Boogie for Stew en mars 2011. Et maintenant, on est rendu à la période prologue, c'est-à-dire les Stones en solo, parce que j'ai comme mis de côté leur carrière solo lorsque j'ai parlé à des Rolling Stones. Donc, on va voir, c'est que pendant les 50 ans de carrière des Stones, les différents membres du groupe ont lancé différents albums solo que je vais vous présenter en rafale, en fait. Mick Jagger a lancé en 1985 l'album She's the Boss en collaboration avec Pete Townshend des Who, Jeff Beck, Herbie Hancock ainsi que Nile Rodgers, ainsi que Primitive Cool en 1987. Ces albums-là remportent un peu de succès dans les palmarès, mais n'équivaut pas le succès des Stones ainsi que la qualité musicale du groupe. Keith Richards répond à Jagger en 1988 avec l'album Talk is Cheap, un album jugé meilleur que ceux de Jagger, un jugement qui ne peut que nuire aux relations des Glimmer Twins, qui ne se parlaient presque pas en plus pendant 87-88. En 1992, Keith Richards lui lance Main Offender, qui est qui offense au moins une personne, Mick Jagger, qui lance lui Wandering Spirit en 1993. Les deux albums ont tous deux du potentiel, mais il n'arrive pas à égaler le succès, bien sûr, des Rolling Stones. Jagger va également lancer Goddess in the Doorway en 2001 et Richards, pour sa part, donne des concerts avec son groupe Expensive Winos depuis 1987, année où le groupe n'avait rien fait, donc il a décidé de mettre sur pied un groupe. Ron Wood, pour sa part, a lancé plus d'une dizaine d'albums depuis 1974. Il est entre autres responsable des albums I've Got My Own Album to Do, c'est assez intéressant, en 1974, Give Me Some Neck en 1979, ainsi que I Feel Like Playing, lancé l'an dernier, en 2010. Charlie Watts, lui, batteur de la formation, bien sûr, s'est surtout fait remarquer sur la scène jazz avec les albums One for Charlie en 1991, un hommage à Charlie Parker en 1992 et The Magic of Boogie Woogie qui a été lancé l'an dernier en 2010. Bill Wyman, pour sa part, a lancé 4 albums solo entre 1974 et 1985, dont Monkey Grip et Bill Wyman en 1992. 6 albums avec son groupe Rhythm Kings entre 1998 et 2005, donc dont Strutting Our Stuff ainsi que Groovin'. Il y en a eu plein d'autres, mais faire la liste, ça serait peut-être un peu trop exhaustif pour tous les membres. Bref, après 50 ans de carrière, les Rolling Stones ont su se garder au sommet de leur popularité. Le groupe a surmonté les nombreuses épreuves que sont la mort, la drogue, la discorde ainsi que la vieillesse afin de rester le plus grand groupe de la planète. Dieu sait ce que nous réservent les Stones dans les prochaines années. Quoi qu'il en soit, si le groupe décide de retourner sur la route, assurez-vous d'avoir vos billets. Ce sera une expérience mémorable et peut-être la dernière occasion de voir les Stones dans toute leur splendeur. Keith Richards, dont le rêve est de mourir sur scène, a déjà dit que la seule façon de quitter les Rolling Stones, c'est les pieds devant. Espérons donc qu'il reste encore plein de belles années aux Rolling Stones. Et c'était David Bowie et Mick Jagger qui nous chantaient Dancing in the Streets, une reprise donc qu'ils ont fait en 1985-86 avec un vidéoclip assez original. Vous irez voir ça, ça vaut la peine de le voir et je voulais absolument le plugger. C'est bien sûr, ça fait partie de la carrière solo de Mick Jagger. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a le clip suggestif? Il danse quand même assez près et les accoutrements sont très années 80 aussi, ça vaut la peine. David Bowie qui a genre un grand trench coat en léopard et tout. Mais ça rappelle l'histoire qu'il y avait eu là, que tu... Ouais, c'est ça, leur supposée relation qu'ils auraient eue dans les années 70. Parfait. Et donc, c'était bien sûr dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis. Avec Simon Fitzbé. Et Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Tabarouette. Tabarouette. Merci Simon pour ta chronique. Ça fait plaisir. Et merci pour le mois au complet sur les Rolling Stones. Ça fait plaisir. Toujours extraordinaire. On te retrouve à ta prochaine chronique Phénomène les jeudis matins, ici à entre 7h et 9h. Certainement. C'est vers les 8h, pas mal. Ouais. Sur l'heure du midi, même chose. T'es entre 11h et 13h au dîner de compte, pas mal vers les midi. Ouais. T'es pas mal au milieu des choses. Toi, t'es l'homme en plein milieu de l'action. Je suis l'homme dans le nombril. Un peu comme Mick Jagger et David Bowie. Et puis le jeudi soir, là, t'es de retour avec la saveur du moment. Oui, je suis là ce soir. On va avoir du PJ Harvey, bien sûr Radiohead. On pouvait pas passer à côté. On va entendre des pièces de King of Limbs. Également du Arcade Fire pour souligner leur récente victoire, etc., etc. Merveilleux. Ça, c'était la saveur du moment ce soir, 21h. Et puis demain, vendredi, à Rock Classic. Yeah! À 11h, ça va être les éphémérides du rock. C'est moins nombril, c'est plus extrémité. Ouais, c'est ça. C'est début. C'est la tête. Oui. Parce que Rock Classic, c'est de la tête aux pieds. C'est la tête de l'extrémité. Voilà. Ah, ouais, vu de même. Pas une patate. Une petite tape et voilà des queues pour les... Yo, dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi? Bon, là, il a fallu que je lâche ma job. Comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai déduit que l'émission devait être annulée puis que c'est rendu des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je sois disponible pour l'écouter, hein? Ah, pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage requis. Hein. Ça reste une émission de 2 heures, hein. Je te suis pas pantoute, là. Ben, c'est... laisse faire, là. Ah, attends un peu, là. Ah, ça me revient, j'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage requis. Avec F.O. et Mathieu, du lundi au jeudi de 7h à 9h.